Mesdames et messieurs, amis internautes, chers élèves, heureux sommes-nous de vous retrouver en ce jour du samedi 11 avril 2020. Hors des classes, j'étudie à travers la radio une initiative des établissements Henri Poincaré Boisquet. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau deux professeurs de maths. Mais on aura l'occasion de pouvoir échanger avec un professeur qui se nomme Kwame Raphaël. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. On a bien dormi? Par la grâce de Dieu. Ok, par la grâce de Dieu, oui. Tout baigne aussi pour nous. Monsieur Sati, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. On va se tourner du côté de nos professeurs. Et les mathématiques, on apprend les mathématiques lorsque le professeur de mathématiques a fait son cours. Mm-hmm. Puisque à chaque cours, il y a une définition, il y a une propriété. Et il y a un exercice d'application qu'on a nommé exercice de fixation. Donc l'enfant doit apprendre la propriété et comprendre cette propriété et l'appliquer en reprenant l'exercice d'application du professeur en question. Lorsque cela est passé, il peut maintenant récupérer un exercice d'application de fixation dans son cahier d'habilité que nous utilisons, JD Édition ou Vallès, et reprendre pour voir si réellement il a compris. Voilà. Ok. Et déjà, lorsque vous parlez de propriété, ça me rappelle déjà votre au thème du jour, hein, donc Thalès Pythagore. Oui. Pourquoi vous avez décidé de parler de ces deux notions? Merci. J'ai décidé de parler de ces deux notions parce que chaque fois qu'il y a un exercice de Thalès ou de Pythagore, mm-hmm. les élèves ont du mal à appliquer la propriété et la réciproque. Ils confondent les deux propriétés. Donc, ce matin, le temps m'est permis de les expliquer quelle est la différence, à quel moment il faut utiliser la propriété et à quel moment il faut utiliser la réciproque. Pour ne pas qu'il mélange encore ces deux propriétés. Ok, donc je suis curieux de savoir comment utiliser la propriété de Pythagore pour résoudre un exercice. Ok, merci beaucoup. Pour utiliser la propriété de Pythagore, il faut d'abord savoir que le triangle est un triangle rectangle, puisque nous avons plusieurs triangles. Il faut savoir que le triangle est rectangle. Lorsque le triangle est rectangle, tu peux maintenant utiliser la propriété de Pythagore. Et la propriété de Pythagore me permet de calculer l'un des côtés du triangle. Un triangle rectangle a deux côtés qui forment un angle droit. L'autre côté, qui est le plus long, est appelé l'hypoténuse. Donc la propriété de Pythagore me dit que lorsque j'élève l'hypoténuse au carré, cela est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Donc cela me permet de calculer l'un des côtés d'un triangle rectangle. Donc de façon pratique, vous poursuivez toujours. Donc quelle est la formule idéale à retenir? Bon, la formule idéale à retenir, c'est que les apprenants doivent retenir que la propriété de Pythagore s'applique lorsque le triangle est rectangle. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il doit connaître la propriété qui a été énumérée, puisque la propriété nous dit l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. Donc, l'apprenant doit maîtriser les deux termes-là. Et lorsque l'apprenant maîtrise ces deux termes, il doit savoir que la propriété de Pythagore est utilisée pour calculer l'un des côtés du triangle rectangle. Du triangle. Donc, si ça nous demande de faire des efforts pour les règles de 3, oui. généralement, puisque. Mais de façon pratique, bon, je pense, quand j'étais encore en 3e, c'était BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Oui, de façon pragmatique, quoi, je pense. Puisque le triangle rectangle, c'est toujours AB et C qu'on nous prenait pour faire des exercices. De façon pratique, quoi. Ok. Voilà. Donc, on poursuit toujours. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose pour les apprenants qui nous écoutons. Lorsque nous prenons un triangle, parce que je dois les expliquer quel côté qui est l'hypoténuse. Okay. Lorsqu'on prend un triangle ABC, rectangle en B, nous avons le côté AC qui représente l'hypoténuse. Et les deux autres côtés, nous avons le côté AB et le côté BC. Et pour ce triangle rectangle, nous avons l'hypoténuse qui est AC au carré, qui est égale à AB carré plus BC au carré. Ok, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, si on doit continuer, on doit avancer un peu. Oui. On suppose qu'on prend la distance AB, on prend peut-être 2 cm. 2 cm. Et BC, on prend au moins 4 cm. On prend au moins 4 cm. Et puis maintenant, on demande de calculer AC. On demande de calculer AC. Donc, je vais appliquer la propriété. La propriété me dit, je dois utiliser la propriété de Pythagore dans un triangle rectangle. Et effectivement, le triangle est rectangle en B. En B. Ouais, autant pour moi. Donc, je dois chercher à calculer l'hypoténuse de ce triangle qui est AC. Donc, j'écrivais AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Or, AB est égal à 2 et BC est égal à 4. Je vais remplacer chaque lettre, chaque élément par son expression, donc sa valeur. Donc, nous avons AB qui est égal à 2. Comme on a écrit AB carré, donc nous avons 2 au carré plus BC carré, BC qui donne 4, ça me donne 4 au carré. Donc nous avons AC carré qui est égal à 2 au carré plus 4 au carré. Tout à fait. Donc ce qui me donne AC carré est égal, 2 au carré me font 4 plus 4 au carré me font 20 et 16, 4 au carré, 16 me font 16, voilà, 16 plus 4 ça me fait 20. Donc j'ai AC carré qui est égal à 20. On doit chercher la valeur de AC. Tout à fait. Et en classe, on vous a enseigné au niveau de racine carrée que lorsqu'un nombre est au carré, pour l'enlever, il faut faire apparaître la racine. Donc, il y a racine, il y a écrit racine de AC carré. Lorsque j'ai ajouté la racine à gauche, il en va aussi à droite. Donc, à ma droite, c'est 20. Donc, ça fait aussi racine de 20. Lorsque il y a le carré, la racine et le carré vont disparaître. Donc, il va rester AC. Donc, notre AC est égal à la racine de 20. Mais 20 est égal à 4 fois 5. Donc, j'écrirai AC est égal à racine de 4 multiplié par 5. Or, la racine de 4 me donne 2. Donc, ce qui fait AC est égal à 2 racines de 5. Donc, je viens de trouver l'hypoténuse de ce triangle. Ok. Merci bien, professeur, pour toutes ces informations. Je pense que ceux qui nous suivent pourront s'approprier de cette propriété-là pour résoudre tout exercice en rapport avec Pythagore. Et là, on passe maintenant à Thalès. Donc, comment utiliser aussi la propriété de Thalès pour résoudre un exercice? Bon, j'aimerais finir d'abord avec la réciproque. Bon, ok. Donc, on va terminer. Oui. On va faire pas à pas. On va... D'accord. Donc, vous allez terminer à la propriété de Pythagore. Bon, est-ce que ça ne va pas mélanger l'esprit des Puisque élèves? Je veux que les élèves comprennent à quel moment on utilise la propriété de Pythagore et à quel moment on utilise la réciproque. Bon, donc, lorsque on voit les deux thèmes, l'élève verra les complications. Bon, vous êtes le pédagogue, donc je pense qu'on va écouter votre conseil. Donc, allez-y pour la réciproque. Ok. Pour la réciproque, tout à l'heure, j'ai dit, pour utiliser la propriété de Pythagore, il faut savoir que le triangle est rectangle. Mais au niveau de la réciproque, lui, il te demande de démontrer que le triangle est rectangle. Donc, pour démontrer que le triangle est rectangle, il faut utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. Lorsque puisqu'il y a une propriété de Pythagore, nous avons dit l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc, en réciproque, je dois démontrer pour vérifier que l'hypoténuse, qui est le côté le plus long au carré, est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Lorsque cela est fait et que je vérifie que cela est les mêmes résultats qu'on trouve, je vais automatiquement dire, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, ce triangle est un triangle rectangle. Donc, de façon pratique. De façon pratique. Avant la pratique, je vais souligner un fait. C'est que la réciproque de la propriété de Pythagore n'est pas utilisée partout. Partout. Parce que lorsque un triangle est inscrit dans un cercle, et qu'on te demande de démontrer que le triangle est un triangle rectangle, on ne peut plus utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. Dans ce cas, en classe, ils ont enseigné les apprenants en leur disant, lorsqu'un triangle est inscrit dans un cercle et qu'il a un côté qui est le diamètre du cercle, ce triangle devient automatiquement un triangle rectangle. Là, donc, on n'a plus besoin de se fatiguer. On n'a plus besoin de se fatiguer. Ça comme ça. Oui. Monsieur Sati, je vous en prie. Si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, merci beaucoup. Il a tellement bien dit. Le problème au niveau des apprenants, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir à quel moment il faut utiliser la propriété de Pythagore et sa réciproque. La propriété de Pythagore s'utilise que seulement dans un triangle rectangle. Juste, cette propriété te permet de calculer l'un des côtés de ce triangle. La propriété est simple. La voici, on va l'énoncer ensemble. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. De façon plus pratique, j'ai ABC qui est un triangle rectangle en A, automatiquement l'hypoténuse devient BC. Donc je vais dire que comme ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ça c'est pour la propriété de Pythagore. Juste simple. Maintenant pour sa réciproque, elle s'utilise pour vérifier ou justifier qu'un triangle est rectangle. Ça veut dire que vous avez n'importe quel triangle. Mais vous voulez seulement dire si ce triangle est rectangle. Première condition, il faut d'abord connaître les mesures ou si vous voulez les longueurs de chaque côté du triangle. Ça c'est la première condition. Si vous ne connaissez pas, il vous serait difficile de vérifier. Donc, si j'ai un triangle... Mais est-ce que l'élève peut chercher, peut vérifier? Oui. Puisque s'il y a un côté qui n'est pas donné... S'il y a un côté qui n'est pas donné... Puis, on connaît peut-être voilà, les deux autres côtés. Voilà, il y a d'autres stratégies pour trouver. Tout à fait. Mais, faisons très attention. Si le triangle n'est pas précisé rectangle, et que c'est un triangle quelconque, et que vous connaissez les longueurs de chaque côté, qu'on vous demande de démontrer que le triangle est rectangle, en ce moment, vous n'utilisez plus la propriété de Pythagore, mais vous utilisez la propriété, sa réciproque, qui va vous permettre de justifier que ce triangle est rectangle. Est-ce qu'il y a une formule pour ça? Il n'y a pas de formule en tant que telle, mais c'est juste une réciproque. Okay. La réciproque veut dire quoi? Nous, on part d'abord de la propriété en disant que si ABC est rectangle en A, alors l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc la réciproque, nous quittons maintenant vers la fin. C'est-à-dire que si nous avons un triangle, peu importe, tel que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, en ce moment, ce triangle-là est rectangle. Nous prenons un exemple de façon plus pratique pour étayer ce que le professeur a dit. J'ai un triangle ABC, tel que j'ai un côté qui fait 4 cm. J'ai un autre côté qui fait 3 cm. Et puis un troisième côté qui fait 5 cm. Okay. Donc vous avez un rectangle. Un triangle. Un triangle. Voilà. Simple. Mais je connais trois côtés. Le côté AB fait 4 cm. Le côté BC fait 5 cm. Et le côté AC fait 3 cm. Okay. La question que le professeur me demande, justifier que ce triangle est rectangle. Donc vous voyez que le professeur me demande de justifier que le triangle est rectangle. Okay. Il ne m'a pas dit dans l'exercice que le triangle est déjà rectangle. Sur ce point, je ne peux plus utiliser la propriété de Pythagore. Non, pas du tout. Puisqu'on connaît déjà puisque on ne sait pas que le triangle est rectangle. On me demande de vérifier. En ce moment, je vais maintenant me focaliser sur la réciproque. Qui me dit que si vous avez un triangle tel que le carré d'un côté est égal au carré à la somme des carrés des deux autres côtés, en ce moment, ce triangle est rectangle. Donc, sur cette propriété, je reviens sur ma feuille de copie et je vérifie maintenant. Je prends AB carré, que nous avons dit AB fait combien déjà? AB fait 4. AB fait 4. Donc, AB carré va donner exactement combien? Ça va donner 16. 16. Nous allons prendre BC au carré qui va donner 9. Qui va donner 9. 3 au carré. Et puis 3 au carré. 3 au carré. Non, 3 au carré, c'est ça qui fait 9, BC. Et donc, on prend maintenant AC. AC carré. AC carré qui fait combien déjà? 25. 5 au carré, ça fait 25. Très bien. Donc, en ce moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons calculé déjà les carrés. On va maintenant regarder, est-ce que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Donc, on va regarder, quand nous faisons 16 plus 9... ça fait combien déjà? 25. Ça fait 25. Or, on a montré que 16, c'est quel côté déjà là? Le côté AB. AB. Donc, on va écrire là-bas que AB au carré plus maintenant BC au carré. C'est égal à combien maintenant? Rappelez-vous qu'on a trouvé 25 qui est égal à AC carré. AC carré. En ce moment, on voit que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Selon donc cette propriété-là, ce triangle est comment? Rectangle. Voici un peu comment on applique les deux propriétés. Et c'est ce que le professeur a expliqué. avant de d'aborder l'autre propriété qui est Thalès, je pense que je vais vous laisser d'ajouter quelque chose. Si vous avez un dernier conseil sur cette propriété de Pythagore avant de pouvoir poursuivre avec la propriété de Thalès, Monsieur Sati. Alors, je voudrais, au niveau de l'intervention du professeur, il a apporté des clarifications. Le premier point, il a souligné d'abord que lorsque on demande de démontrer qu'un triangle est rectangle, alors il faut faire très attention. Est-ce que ce triangle est inscrit dans un cercle? C'est très important. Si oui, on identifie, est-ce qu'un côté de ce triangle est le diamètre de ce cercle? Si oui, alors l'élève utilise une propriété vue en cinquième et quatrième qui dit que tout triangle inscrit dans un cercle dont un côté est le diamètre de ce cercle, automatiquement ce triangle est rectangle. Ça c'est déjà l'une des propriétés utilisées en cinquième et quatrième. Deuxième point, si le triangle n'est pas inscrit dans le cercle, ça c'est très important, n'est pas inscrit dans le cercle, mais qui est un triangle naturel, un triangle ordinaire, que nous connaissons les trois côtés, en ce moment, nous sommes appelés à utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore qui va nous permettre de démontrer que ce triangle est rectangle. Okay. Vraiment, ce que je peux dire aux apprenants, c'est d'abord de maîtriser les deux propriétés, de vraiment les maîtriser. Okay. Voilà. Tout d'abord, c'est de dire aux apprenants de ne pas apprendre par cœur les propriétés, mais de chercher à les maîtriser, de chercher à savoir à quel moment on peut les utiliser. Okay. Et c'est ce que mon doyen, M. Sati, vient de dire, de faire très attention lorsqu'on leur donne un exercice de mathématiques portant sur la propriété de Pythagore et sa réciproque. Au niveau de la propriété de Thalès, nous avons encore aussi un problème entre la propriété, la réciproque et sa conséquence. Okay. Donc l'élève... Avec Thalès, on va jusqu'à conséquence. Jusqu'à conséquence. Okay. On a trois points. L'élève doit maîtriser ces trois points. Il doit savoir à quel moment on peut utiliser la propriété de Thalès, à quel moment doit-on utiliser la réciproque et à quel moment doit-on utiliser la conséquence. On va commencer par la propriété de Thalès. Au niveau de la propriété de Thalès, la propriété est utilisée dans un triangle. Ici, le triangle n'est pas spécialisé. On n'a pas dit soit un triangle rectangle ou un triangle quelconque. Quel que soit le triangle, c'est par là qu'on peut utiliser la propriété de Thalès. Et au niveau de la propriété de Thalès, lorsque nous prenons un triangle, soit un triangle ABC, et que nous mettons un point au niveau de A et de B, le point appartient à AB, et un autre point appartient à AC, soit le point N appartient à AB, et le point M appartient à AC. Dans ce cas, on va utiliser la propriété de Thalès lorsque les deux droites MN et BC sont parallèles. Si les deux droites ne sont pas parallèles, on ne peut pas utiliser la propriété de Thalès. Donc, pour utiliser la propriété de Thalès, l'élève doit savoir que les deux droites sont parallèles. Lorsque ces deux droites sont parallèles, la propriété va me permettre de calculer les deux côtés issus du sommet de ce triangle. Mais lorsque les deux côtés parallèles vont intervenir, il ne peut plus utiliser la propriété de Thalès. Il est obligé d'aller se référer à la conséquence. Donc, pour appliquer la propriété de Thalès, il ne faudrait pas que les deux côtés parallèles puissent s'infiltrer. Donc, la propriété me permet de calculer seulement que les deux côtés issus du sommet du triangle. Quand il dit deux côtés issus du sommet du triangle, lorsque je prends un triangle ABC, le sommet c'est le point A. Donc, le segment AB et le segment AC. Lorsqu'on me demande de calculer l'un des côtés de ces deux segments que je viens de préciser, c'est par là qu'on utilise la propriété de Thalès. Mais avant d'utiliser, il faut savoir que les deux droites sont parallèles. Comment savoir alors que les deux droites sont parallèles? Dans l'énoncé, l'énoncé te dira que les deux droites sont parallèles. Okay. Donc et lorsque... là, ça facilite déjà les élèves pour leur préciser que les deux droites sont parallèles. Oui, oui. Okay. Donc lorsque les deux droites sont parallèles, tu peux maintenant utiliser la propriété de Thalès. Donc, quand nous prenons le triangle ABC, le sommet A, le point M appartient au segment AB et le point N appartient au segment AC. Tout à fait. Tel que MN est parallèle à BC. Calcule le côté AM. Dans ce cas, je peux utiliser la propriété de Thalès. Parce que ici, je connais le côté AB, le côté AN et le côté AC. Mais ici, je ne connais pas le côté MN et le côté BC. Donc dans ce cas, et le côté AM, c'est AM que je dois chercher. Tout à fait. Donc pour chercher AM, je sais que le triangle est un, je sais que c'est un triangle et que les deux côtés sont parallèles. Je vais maintenant utiliser la propriété de Thalès qui me dit le côté AM, sur le côté AB, AB est égal à AN sur AC. Je connais AN, je connais AC, je connais AB et je dois chercher AM. Je vais tirer AM en faisant l'arrêt de croix. Donc ça me fait AM multiplié par AC, c'est égal à AB multiplié par AN. Lorsque je connais les trois autres côtés, je vais remplacer par leur valeur. Si AC est égal à 2, ça me fait AM fois 2, ça me fait 2 fois AM, qui est égal à AB qui est égal à 3, multiplié par AN qui est égal à 4. Ça me donne ici 2AM est égal à 12. Donc AM est égal à 12 divisé par 2. Donc on a ici AM est égal à 6 cm. Voilà. Donc la propriété me permet de calculer l'un des côtés issus du sommet du triangle. Ça c'est encore plus simple aussi. Monsieur Sati, oui. On y vient à l'instant de démontrer la propriété de Thalès. Oui, franchement c'est tellement bien dit. Ce que l'apprenant doit retenir de la propriété de Thalès. Vous savez, en mathématiques, les propriétés, pour les appliquer, il faut être dans l'environnement de la propriété elle-même. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle les données qui vont vous permettre d'appliquer la propriété. C'est comme ça. Si les données ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas appliquer la propriété. De façon très claire. Ici, pour Thalès, la première condition, il faut d'abord être dans un triangle. Peu importe la nature du triangle, qu'il soit isocèle, qu'il soit rectangle, qu'il soit équilatéral, peu importe. Donc, il faut d'abord que nous soyons dans un triangle. Deuxièmement, si nous avons un point M qui appartient à l'un des côtés, c'est-à-dire à un côté du triangle, et un point N qui appartient à un autre côté, c'est-à-dire au deuxième côté, de telle sorte que la droite MN est parallèle à la droite BC, c'est-à-dire la base de notre triangle. Si je considère ABC un triangle, de telle sorte que M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC, de telle sorte, ça c'est très important, ça c'est la condition sine qua non, de telle sorte que la droite MN est parallèle à la droite BC, automatiquement, j'ai une égalité qui est appliquée. Ok. L'égalité de rapport qui est déjà appliquée. Ça veut dire que la distance AM sur la distance AB est égale à la distance AN sur la distance AC. Ça, c'est très important pour la propriété de Thalès. Ok. La réciproque, elle nous permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Bon, pour la réciproque, je laisse Raphaël. Non, voilà, il va terminer. D'accord. Et puis là, vous ajoutez quelque chose. Merci. C'est bon. C'est bon. Ok. Merci beaucoup. On va maintenant avec la réciproque. La réciproque. Pour la propriété, on a tous compris. Hein. Oui. Donc, pour la réciproque maintenant. On a dit tout à l'heure que pour utiliser la propriété de Thalès, il faudrait que les deux droites issues de la base soient parallèles. Tout à fait. Mais maintenant, au niveau de la réciproque, on te demande de démontrer que les deux droites-là sont parallèles. Donc, pour que les deux droites soient parallèles, il faut calculer les côtés, ce qu'on vient de calculer, la démonstration qu'on vient de faire tout à l'heure, et comparer les deux résultats trouvés. Lorsque les deux résultats sont égaux, du coup, on dira que les deux droites sont parallèles. Je prends un exemple encore. Je pense que ça... Lorsqu'on prend un triangle ABC, le point M appartient à AB et N appartient à AC. Tout à fait. Cette fois-ci, ils m'ont pas dit que les deux, le MN et BC sont parallèles. C'est à moi de démontrer que les deux droites sont parallèles. Dans ce cas, je prends le côté AM sur le côté AB et je calcule pour voir. Et ensuite, je prends le côté AN sur le côté AC, je calcule aussi pour voir. Les deux résultats, je vais les comparer. Lorsque les deux résultats sont les mêmes, alors je confirme que d'après la réciproque de la propriété de Thalès, ces deux droits sont parallèles. Comme ce que je viens de faire, AM est égal à 3, AB égal à 10, AN ça fait 6 et AC me font 20. Okay. Donc lorsque je fais AM sur AB, cela fait 3 divisé par 10. Ça me donne 0,3. Lorsque je prends AN sur AC, ça me donne 6 divisé par 20. Et le résultat est égal à 0,3. Automatiquement. Comme AM sur AB est égal à AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles d'après la réciproque de la propriété de Thalès. Et je viens de recevoir un SMS qui dit « Bonjour monsieur, je vous suis, mais j'ai une préoccupation. Et au niveau de la conclusion, comment conclure après avoir fini la démonstration ?» Bon, malheureusement, on n'a pas mis son nom. À quel niveau? Au niveau de la réciproque. De la réciproque. Comment conclure que les deux droits sont parallèles? Parce qu'il y a niveau, aussi le langage qu'il faut. Au niveau de la réciproque, je dirais ici, comme AM sur AB est égal à AN sur AC, alors, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, MN est parallèle à BC. C'est tout. Voilà, parce qu'il arrive qu'il y a des élèves qui ne mettent pas ça dans un français cohérent. Ils préfèrent calculer et puis ils plaquent le résultat sans véritablement rappeler que c'est la réciproque de Thalès qui t'a permis de trouver le résultat. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Lorsqu'on te demande de démontrer que les deux côtés sont parallèles, on n'applique pas d'abord la réciproque. C'est lorsque tu finis de calculer que tu appliques la réciproque. Parce que très souvent, les enfants appliquent la réciproque avant de venir calculer. Or, la réciproque me dit les deux côtés. Il doit avoir égalité avant que les côtés soient parallèles. Tu n'as pas encore démontré, mais tu affirmes que les deux côtés sont parallèles, ce qui n'est pas normal. Okay. Et là aussi, il y a la conséquence de Thalès. Au niveau de la conséquence, nous remontons un peu au niveau de la propriété de Thalès. Au niveau de la propriété, il y a dit tout à l'heure, on calcule l'un des côtés issus du sommet. Lorsque nous ne connaissons pas les deux côtés parallèles. Mais au niveau de la conséquence, lorsque les deux côtés parallèles apparaissent, dans ce cas, je ne peux plus utiliser la propriété de Thalès. Je serai obligé d'utiliser la conséquence de la propriété de Thalès. Qui me dit, AM, lorsque je prends un triangle ABC, M appartient à AB et N appartient à AC, j'aurai AM sur AB, égal à AN sur AC et je vais insérer maintenant MN égal à MN sur BC. Donc la conséquence s'utilise lorsque je connais l'un de ces côtés ou bien lorsque je connais les deux côtés parallèles. C'est par là que je dois utiliser la conséquence pour calculer l'un des côtés issus du sommet du triangle. Donc de façon pratique. De façon pratique. Professeur Monsieur Sati. De façon pratique, vous pouvez l'accompagner puisque c'est avec les schémas et autres. Bon, il va allez-y, monsieur Raphaël. Ok. De façon pratique. De façon pratique, je prends un triangle ABC. Sommet A. Le point N appartient à AB et le point M appartient à AC. On me demande de calculer NM. Je connais le côté AN qui est égal à 3. Le côté AB qui est égal à 10, le côté BC qui est égal à 5, et ici on me demande de calculer MN, le côté MN. Le côté MN, c'est les deux côtés parallèles. Je ne peux pas ici utiliser la propriété de Thalès. Je suis obligé d'utiliser la conséquence de la propriété de Thalès. La conséquence me dit, lorsque je prends le côté AN sur AB, c'est égal à AM sur AC. Cette première partie, c'était la propriété de Thalès. Et je vais ajouter maintenant égal à NM, NM sur BC. Or, ici, on me demande de calculer MN. Je connais le côté AN et le côté AB. Je connais les deux côtés. Je prends la première relation. Ici, je ne connais pas AM, je ne connais pas AC. Je ne peux pas utiliser cette formule. Donc, je vais utiliser ici et là. Donc, j'ai AN sur AB est égal à NM sur BC. On me demande de calculer MN. Donc, ici, il y aurait A et AB multiplié par... Professeur, avant de poursuivre, on va continuer. On a un auditeur qui est là. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Je suis sur la radio Bac FM. Oui, oui. Vous êtes en direct à l'émission e-learning avec le professeur de maths pour expliquer la propriété de Pythagore et Thalès. Votre nom et puis votre préoccupation. Je suis monsieur Conan André. Mm-hmm. Je vous appelle de Boisflay. Mm-hmm. Je suis parent d'élève. Mm-hmm. Alors, c'est vrai, je n'ai pas suivi l'émission depuis le début. Mm-hmm. Mais la propriété de Thalès, la propriété de Pythagore, c'est des thèmes qui nous intéressent beaucoup, surtout les élèves de 3e. Mm-hmm. Alors, avec ce temps où les élèves ne vont pas à l'école, ils sont à la maison, grâce à Radio Bec FM, mm-hmm. on arrive quand même à occuper nos enfants. Mm-hmm. Je vous dis merci pour cela. Mm-hmm. Et puis, poser la question de savoir, la question de propriété de Pythagore de Thalès, avec le temps qui a avancé. Mm-hmm. Les examens n'ont pas encore prévu ou bien ils n'ont pas encore fixé les dates. Est-ce que concrètement, si les élèves se focalisent là-dessus, est-ce qu'il y a une formule simple qui peut leur permettre de bosser facilement ces deux professeurs, Pythagore et Thalès? Parce que c'est très important, c'est en début d'année, mm-hmm. il faut qu'ils arrivent à maîtriser. Pour ceux sur le plateau, est-ce qu'ils peuvent nous dire s'il y a une formule spécifique qu'il faut retenir, et comment retenir la formule, c'est ça le problème. Okay. Ils me connaissent la formule, mais comment retenir? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Ok, c'est compris. Merci bien, so, monsieur. D'accord. Donc, est-ce que je peux rester en ligne? Parce que ma connexion n'est pas bien ici, si je peux rester au téléphone en ligne. Ok, vous pouvez rester en ligne, il va répondre. On laisse monsieur Sati pour répondre. Il veut connaître de façon concrète la propriété de Thalès et puis la propriété de Pythagore pour que les élèves aussi puissent retenir ces formules-là pour d'autres exercices. D'accord. Alors, avant de répondre à cette question, il est important de préciser qu'au BPC, vous avez des exercices qui portent sur des tests objectifs. Ce sont des questions que nous posons et nous demandons aux apprenants soit de répondre par vrai ou faux. Ou même si possible, relier quelques bonnes réponses entre elles-mêmes. Donc, la première des choses pour un apprenant de troisième, c'est d'abord de maîtriser et de connaître par cœur et l'application de ces deux propriétés. Telles que énoncées par les professeurs en classe, les apprenants sont appelés à les connaître comme ça. Voilà. Je pense que ce sont les propriétés là qu'ils veulent savoir. Voilà, la première propriété, c'est ce que nous avons énuméré. Au niveau de la propriété de Pythagore, si un triangle est rectangle, alors l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. L'hypoténuse, c'est le côté qui est long. Voilà, le côté qui est long. Voilà. Ça, l'enfant doit connaître ça. De façon plus mathématique, si ABC est rectangle en A, automatiquement l'hypoténuse devient BC. Alors, BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Okay. Ça, c'est au niveau de la propriété de Pythagore. Et la réciproque qui suit, elle nous permet plutôt de montrer que le triangle est rectangle. Ça veut dire, si dans un triangle, c'est comme ça qu'on commence la propriété. Si dans un triangle, vous avez le carré d'un côté, là, on ne nous dit plus le carré de l'hypoténuse. Le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En ce moment, le triangle est rectangle. Ok. Voici un peu la maîtrise. Comment l'apprenant doit maîtriser. Ok. Ça, c'est pour la propriété de Thalès. Mais Pythagore. De Pythagore, autant pour moi. De Pythagore. Pour Thalès, il faut d'abord que nous soyons dans un triangle. Donc, si vous êtes dans un triangle ABC, tel que M appartient au côté du triangle AB, en fait, au côté AB de notre triangle, et puis N appartient au côté AC, ça c'est l'environnement de la propriété, c'est-à-dire les hypothèses. On revient maintenant pour la première condition. Si la droite MN est parallèle à la droite BC, ça c'est la condition pour déclencher la propriété de Thalès. Donc si MN est parallèle à BC, alors alors qu'il y a une conséquence, qu'il y a une conclusion, qu'il y a un résultat, alors vous avez le rapport des égalités. AM sur AB est égal à AN sur AC. Vraiment, il n'y a pas de formule. Dommage, c'est ça aussi les mathématiques. Nous travaillons avec des propriétés, et ces propriétés telles énoncées avec le professeur, et même avec les livres recommandés et même agréés. Ici, au niveau des livres agréés, nous avons le livre Siam 3e, qui, au niveau de la page 8, l'enfant ou les parents peuvent trouver ses propriétés de Thalès et ainsi de suite pour permettre à leurs enfants de bien maîtriser. Et il faut aussi la souligner un autre point qui est au niveau des programmes qui ne sont pas achevés. Est-ce que l'enfant doit... Non. Qu'il laisse l'apprenant apprendre d'abord au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'il maîtrise les chapitres du premier trimestre, du deuxième trimestre, et si possible, s'il y a d'autres cours qui arrivent, que l'enfant les maîtrise au fur et à mesure, qui ne se soucie pas par rapport au programme à suivre. On a ABC, qui est un triangle de sommet A. Le point N appartient à AB, et le point M appartient à AC. Ici, au niveau de la conséquence, lorsque je connais les deux côtés parallèles, ou l'un des deux côtés parallèles, et pour calculer les autres côtés, ces côtés doivent intervenir. Dans ce cas, j'utilise la conséquence de la propriété de Thalès, qui me dit ici, si on me demande de calculer le côté NM, j'aurai AN sur AB est égal à AM sur AC égal à NM sur BC. Ici, on me demande de calculer NM, je connais AN, je connais AB, mais je ne connais pas ici AM et AC. Donc, il laisse tomber cette relation et je prends AN sur AB est égal à NM sur BC. Ici, je vais faire la règle de croix. Donc, il y a ici AB multiplié par NM est égal à AN multiplié par BC. Ici, je cherche NM. Je dis NM est égal à AN multiplié par BC sur AB. Donc, j'aurai NM est égal à AN. Il y a ici 3 cm. Ça fait 3 multiplié par BC qui est égal à 5. Et AB qui est égal à 10. Donc il y a ici NM est égal à 15 sur 10 qui me donne 1,5 cm. Comme je l'ai dit au niveau de pour le parent qui a posé le problème, les deux exercices, les deux premiers exercices du BPC portent sur des tests objectifs où l'enfant doit répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux. Automatiquement, il faut que d'abord ils connaissent d'abord la propriété. Il faut que d'abord ils sachent de quoi parle au juste le test pour qu'ils puissent dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc vraiment, c'est très important. Il faut qu'ils maîtrisent d'abord ses cours. Et deuxièmement, éviter trop le découragement. Parce que ça aussi, souvent quand ils traitent les exercices, ils sont un peu découragés. Alors ils les abandonnent tout. Et puis voilà. C'est pas intéressant. Il faut lorsqu'on est découragé, c'est pas bon. Il faut tout le temps se remotiver et même demander. Quand ça ne va pas, on demande aux camarades, on demande même aux professeurs et on s'exerce au fur et à mesure. Les livres sont là, plusieurs littératures sont un peu partout. L'enfant, l'apprenant peut en acheter et puis regarder comment c'est corrigé ces sujets-là. Voilà, je pense que on va s'arrêter là pour ça. Okay. J'ai un exercice qui porte sur le thème du jour. Il faudrait que les enfants étudient encore leurs leçons, leurs propriétés sur les thèmes que nous venons d'aborder ce matin et chercher à résoudre ces deux exercices que notre journaliste va vous faire parvenir. Ok, donc je rappelle l'exercice. Il vient d'abord. Et puis, il doit chercher à maîtriser les propriétés avant de pouvoir les traiter. L'exercice 1, il doit prendre 25 minutes. Et l'exercice 2, 20 minutes. Ce qui fait 45 minutes. Après les 45 minutes, qu'il s'arrête. Il va vérifier, il va contrôler pour voir quel est le temps qu'il utilise pour pouvoir travailler. Okay. C'est ce qu'il voulait ajouter. Ben donc, je rappelle les exercices. Oui. Ok. Donc, nous avons l'exercice 1. Donc, exercice numéro 1. 25 minutes. Je pense que je serai dans le temps. L'unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre, qui n'est pas en grandeur réelle, on donne C est un cercle de centre 0. O. AB est le diamètre du centre. NO parallèle à EB. Donc, comme chiffre, AB égale à 10 cm. AE 8. N est un point du segment AE. Donc, la question est de justifier que le triangle ABC est rectangle en E. C'est ça. C'est ça. Et deux, justifier que BE égale à 6 et puis calculer la distance NO. Donc, je reprends. L'unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre, qui n'est pas en grandeur réelle, on donne C est le centre, est un cercle de centre O. Le segment AB est le diamètre du cercle NO parallèle à EB. AB égale à 10 et cm et AE égale à 8. N est un point de A du segment AE. Justifie que le triangle ABC est rectangle en E. Si le temps nous permet, est-ce que le temps nous permet du côté de la régie pour répondre à la première question? Je souhaiterais que vous répondiez à la première question. Justifier que le triangle ABC est rectangle en E. Monsieur Kwame Raphaël. Ici, pour justifier que le triangle est rectangle en E, on a dit tout à l'heure que pour démontrer qu'un triangle est rectangle, nous avons la propriété de la réciproque de la propriété de Pythagore. Mais de faire très attention lorsque le triangle est inscrit dans un cercle. Et ici, il remarque que le triangle est inscrit dans un cercle. Dans ce cas, il ne peut plus utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. Mais ici, le triangle qui est inscrit a un côté qui est le diamètre du cercle, le côté AB. Donc, automatiquement, le triangle AEB est rectangle en E. C'est tout. C'est tout. OK. Voilà, donc les élèves pourront chercher la deuxième question qui est de justifier que BE égale à 6 et de calculer la distance NO. Voilà, donc BE, disons, c'est la base qui est égale à 6, donc il faut justifier que c'est égal à 6 et puis de calculer la distance maintenant NO. Donc ça veut dire les deux points d'intersection des deux segments AB et puis AE. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. L'exercice est là, on va l'ajouter dans le groupe WhatsApp des élèves du 3e pour permettre à ces élèves-là de pouvoir traiter et puis nous faire un retour pour que la prochaine séance, vous puissiez donner votre point de vue sur les différentes questions traitées et avant d'aborder autre thématique. Okay. Nous sommes à la fin, un mot. Bon, il y a un mot à leur dire, aux deux apprenants. De ne pas prendre par cœur les propriétés sans pouvoir les utiliser. Lorsqu'ils apprennent les propriétés, il faudrait qu'ils puissent savoir à quel moment on peut utiliser ces propriétés et aussi à quel moment il faut les apprendre. Puisque les apprenants, très souvent, ils utilisent par cœur comme en histoire jo, ils le font. Et très souvent, quand il y a un mot qui saute, il peut plus continuer. Donc, ce que j'ai à dire, ce n'est de ne pas avoir peur des mathématiques, mais de se donner à fond aux mathématiques, de reprendre les exercices de fixation et de reprendre tout ce que les professeurs ont repris, ont fait avec eux en classe, afin qu'ils puissent améliorer leur niveau en mathématiques. Bonne fête à tous et puis bonne écoute radiophonique.